Activité 3, page 68. Complétez la transcription. A. Muriel dit qu'elle arrive samedi à midi. B. Arthur, où es-tu? C. Vous êtes sûr que Julie est partie? D. Tu as dit 2 ou 12 ?